Venant du Caire, la troupe théâtrale, dirigée par Farid El Atrache et Samia Gamal, est arrivée à Tunis pour y donner une série de représentations. Samia Gamal, déjà connue du public tunisien, est arrivée parée des lauriers gagnés en France au cours de l'été 1950, où elle a joué en présence du roi Farouk. Le public de Tunis saura faire un bon accueil aux plus célèbres représentants de la scène et de l'écran égyptien. الذي حل بيننا سنة 1951 صحبة توأمه الروحي الذي عوض له فقدان إسمهان ونعني سامية جمال. Reçoit la visite des grandes vedettes égyptiennes Farid El Atrache et Samia Gamal qui viennent avec leur groupe donner une série de concerts dans la capitale tunisienne. Samia Gamal est déjà bien connue du grand public français puisqu'elle dansa dernièrement à Deauville en présence de Sa Majesté le roi Farouk d'Égypte. Accueillie à leur descente d'avion par les personnalités artistiques de Tunis, les vedettes se rendent aussitôt à leur nouvelle résidence. Poursuivant leur séjour à Tunis, Farid El Atrache et la ravissante danseuse Samia Gamal ont remporté un succès triomphal sur la scène du théâtre municipal. يا حلوة بس نفهمها الحياة غنوة محلى أنغامها. كان المبدع الآتي من جبل الدروز في قمة التألق وأبدع في حفلات حضرها ملك العصر لمين باي بمسرح تونس. ونسهم دي الحياة حلوة دي الحياة حلوة دي الحياة حلوة بس نفهمها دي الحياة حلوة بس نفهمها دي الحياة حلوة بس نفهمها دي الحياة حلوة بس نفهمها كان فريد آنذاك نجم النجوم ألحانا وأفلاما وعلى مسرح تونس أبى إلا أن يبدأ أغانيه بتقاسيم على العود